Chapitre 3. Qu'est-ce que ce jeune homme qui, debout sur un morceau d'écorce, se permet de suivre la cange royale et qui peut lutter de vitesse contre 50 rameurs du pays de Kouch, nus jusqu'à la ceinture et frottés d'huile de palmier? Quel intérêt le pousse et le fait agir? Voilà ce que nous sommes obligés de savoir en notre qualité de poète doué du don d'intuition, et pour qui tous les hommes, et même toutes les femmes, ce qui est plus difficile, doivent avoir aux côtés la fenêtre que réclamait Momus. Il n'est peut-être pas très aisé de retrouver ce que pensait, il y a tantôt 2000 ans, un jeune homme de la terre de Kémé, qui suivait la barque de Cléopâtre, reine et déesse évergète, revenant de la Mamisie d'Hermontis. Nous essaierons cependant. Meyamoun, fils de Mandouchopch, était un jeune homme d'un caractère étrange. Rien de ce qui touche le commun des mortels ne faisait impression sur lui. Il semblait d'une race plus haute, et l'on eût dit le produit de quelque adultère divin. Son regard avait l'éclat et la fixité d'un regard d'épervier, et la majesté sereine siégeait sur son front comme sur un piédestal de marbre. Un noble dédain arquait sa lèvre supérieure et gonflait ses narines comme celles d'un cheval fougueux. Quoiqu'il eût presque la grâce délicate d'une jeune fille, et que Dionysius, le dieu efféminé, n'eût pas une poitrine plus ronde et plus polie, il cachait sous cette molle apparence des nerfs d'acier et une force herculéenne. Singulier privilège de certaines natures antiques de réunir la beauté de la femme à la force de l'homme. Quant à son teint, nous sommes obligés d'avouer qu'il était fauve comme une orange, couleur contraire à l'idée blanche et rosée que nous avons de la beauté, ce qui ne l'empêchait pas d'être un fort charmant jeune homme, très recherché par toutes sortes de femmes jaunes, rouges, cuivrées, bistrées, dorées, et même par plus d'une blanche grecque. D'après ceci, n'allez pas croire que Meyamoun fut un homme à bonne fortune. Les cendres du vieux Priam, les neiges d'Hippolyte lui-même, n'étaient pas plus insensibles et plus froides. Le jeune néophyte en tunique blanche, qui se prépare à l'initiation des mystères d'Isis, ne mène pas une vie plus chaste. La jeune fille qui transite à l'ombre glaciale de sa mère n'a pas cette pureté craintive. Les plaisirs de Meyamoun, pour un jeune homme de si farouche approche, étaient cependant d'une singulière nature. Il partait tranquillement le matin avec son petit bouclier de cuir d'hippopotame, son harpé ou sabre à lame courte, son arc triangulaire et son carquois en peau de serpent rempli de flèches barbelées. Puis il s'enfonçait dans le désert, et faisait galoper sa cavale aux jambes sèches, à la tête étroite, à la crinière échevelée, jusqu'à ce qu'il trouvât une trace de lionne. Cela le divertissait beaucoup d'aller prendre les petits lionceaux sous le ventre de leur mère. En toute chose, il n'aimait que le périlleux ou l'impossible. Il se plaisait fort à marcher dans des sentiers impraticables, à nager dans une eau furieuse, et il eût choisi pour se baigner dans le Nil précisément l'endroit des cataractes. L'abîme l'appelait. Tel était Meyamoun, fils de Mandouchopch. Depuis quelque temps, son humeur était devenue encore plus sauvage. Il s'enfonçait des mois entiers dans l'océan de sable et ne reparaissait qu'à de rares intervalles. Sa mère, inquiète, se penchait vainement du haut de sa terrasse et interrogeait le chemin d'un œil infatigable. Après une longue attente, un petit nuage de poussière tourbillonnait à l'horizon. Bientôt le nuage crevait, elle laissait voir Meyamoun couvert de poussière, sur sa cavale maigre comme une louve, l'œil rouge et sanglant, la narine frémissante, avec des cicatrices au flanc, cicatrices qui n'étaient pas des marques d'éperon. Après avoir pendu dans sa chambre quelques peaux d'hyène ou de lion, il repartait. Et cependant personne n'eût pu être plus heureux que Meyamoun. Il était aimé de Nephté, la fille du prêtre Aphomoutis, la plus belle personne du nom d'Arsinoïte. Il fallait être Meyamoun pour ne pas voir que Nephté avait des yeux charmants, relevés par les coins avec une indéfinissable expression de volupté, une bouche où scintillait un rouge sourire, des dents blanches et limpides, des bras d'une rondeur exquise et des pieds plus parfaits que les pieds de jaspe de la statue d'Isis. Assurément, il n'y avait pas, dans toute l'Égypte, une main plus petite et des cheveux plus longs. Les charmes de Nephté n'eussent été effacés que par ceux de Cléopâtre. Mais qui pourrait songer à aimer Cléopâtre? Ixion, qui fut amoureux de Junon, ne serra dans ses bras qu'une nuée, et il tourne éternellement sa roue aux enfers. C'était Cléopâtre qu'aimait Meyamoun. Il avait d'abord essayé de dompter cette passion folle. Il avait lutté corps à corps avec elle. Mais on n'étouffe pas l'amour comme on étouffe un lion, et les plus vigoureux athlètes ne sauraient rien y faire. La flèche était restée dans la plaie, et il la traînait partout avec lui. L'image de Cléopâtre, radieuse et splendide sous son diadème à pointe d'or, seule debout dans sa pourpre impériale au milieu d'un peuple agenouillé, rayonnait dans sa veille et dans son rêve. Comme l'imprudent qui a regardé le soleil et qui voit toujours une tache insaisissable voltiger devant lui, Meyamoun voyait toujours Cléopâtre. Les aigles peuvent contempler le soleil sans être éblouis, mais quelle prunelle de diamant pourrait se fixer impunément sur une belle femme, sur une belle reine? Sa vie était d'errer autour des demeures royales pour respirer le même air que Cléopâtre, pour baiser sur le sable, bonheur, hélas bien rare, l'empreinte à demi effacée de son pied. Il suivait les fêtes sacrées et les panégyries, tâchant de saisir un rayon de ses yeux, de dérober au passage un des mille aspects de sa beauté. Quelquefois la honte le prenait de cette existence insensée. Il se livrait à la chasse avec un redoublement de furie et tâchait de mater par la fatigue l'ardeur de son sang et la fougue de ses désirs. Il était allé à la panégyrie d'Hermontis, et dans le vague espoir de revoir la reine un instant lorsqu'elle débarquerait au palais d'été, il avait suivi la cange dans sa nacelle, sans s'inquiéter des âcres morsures du soleil, par une chaleur à faire fondre en sueur de lave les sphinx haletants sur leurs piédestaux rougis. Et puis il comprenait qu'il touchait à un moment suprême, que sa vie allait se décider, et qu'il ne pouvait mourir avec son secret dans sa poitrine. C'est une étrange situation que d'aimer une reine. C'est comme si l'on aimait une étoile. Encore l'étoile vient-elle chaque nuit briller à sa place dans le ciel. C'est une espèce de rendez-vous mystérieux. Vous la retrouvez, vous la voyez, elle ne s'offense pas de vos regards. Oh misère! Être pauvre, inconnu, obscur, assis tout au bas de l'échelle, et se sentir le cœur plein d'amour pour quelque chose de solennel, d'étincelant et de splendide, pour une femme dont la dernière servante ne voudrait pas de vous. Avoir l'œil fatalement fixé sur quelqu'un qui ne vous voit point, qui ne vous verra jamais, pour qui vous n'êtes qu'un flot de la foule pareil aux autres, et qui vous rencontrerait 100 fois sans vous reconnaître. N'avoir, si l'occasion de parler se présente, aucune raison à donner d'une si folle audace, ni talent de poète, ni grand génie, ni qualité surhumaine, rien que de l'amour. Et en échange de la beauté, de la noblesse, de la puissance, de toutes les splendeurs qu'on rêve, n'apporter que de la passion, ou sa jeunesse, chose rare. Ces idées accablaient Meyamoun. Couché à plat ventre sur le sable, le menton dans ses mains, il se laissait emporter, soulevé par le flot d'une intarissable rêverie. Il ébauchait 1000 projets plus insensés les uns que les autres. Il sentait bien qu'il tendait à un but impossible, mais il n'avait pas le courage d'y renoncer franchement, et la perfide espérance venait chuchoter à son oreille quelques menteuses promesses. « Hathor, puissante déesse, disait-il à voix basse, que t'ai-je fait pour me rendre si malheureux? Te venges-tu du dédain que j'ai eu pour Nephté, la fille du prêtre à Phomoutis? Ne m'en veux-tu d'avoir repoussé Lamia, les Taïrs d'Athènes, ou Flora, la courtisane romaine? Est-ce ma faute à moi si mon cœur n'est sensible qu'à la seule beauté de Cléopâtre, ta rivale? Pourquoi as-tu enfoncé dans mon âme la flèche empoisonnée de l'amour impossible? Quel sacrifice et quelle offrande demandes-tu? Faut-il t'élever une chapelle de marbre rosé de Sienne, avec des colonnes à chapiteaux dorés, un plafond d'une seule pièce et des hiéroglyphes sculptés en creux par les meilleurs ouvriers de Memphis ou de Thèbes? Réponds-moi. » Comme tous les dieux et les déesses que l'on invoque, Hathor ne répondit rien. Mais Meyamoun prit un parti désespéré. Cléopâtre, de son côté, invoquait aussi la déesse Hathor. Elle lui demandait un plaisir nouveau, une sensation inconnue. Languissamment couchée sur son lit, Elle songeait que le nombre des sens est bien borné, que les plus exquis raffinements laissent bien vite venir le dégoût, et qu'une reine a réellement bien de la peine à occuper sa journée. Essayer des poisons sur des esclaves, faire battre des hommes avec des tigres ou des gladiateurs entre eux, boire des perles fondues, manger une province, tout cela est fade et commun. Charmion était aux expédients et ne savait plus que faire de sa maîtresse. Tout à coup un sifflement se fit entendre. Une flèche vint se planter en tremblant dans le revêtement de cèdre de la muraille. Cléopâtre faillit s'évanouir de frayeur. Charmion se pencha à la fenêtre et n'aperçut qu'un flocon d'écume sur le fleuve. Un rouleau de papyrus entourait le bois de la flèche. Il contenait ces mots écrits en caractères phonétiques. « Je vous aime.